La Catedral Santa María de la Asunción se sitúa Coria, en Estremadura, Spain. Sa construcción actual, sur el emplacement de la anciana catedral wisigothique, pus de la principale mesquita de la ville, et en fin de la precedente catedral romaine, debuta en 1498 et achieva 250 ans plus tard, vers 1748. Le tremblement de terre de Lisbonne du 1 er November 1755 el endommage agravement. El depend du diocese de Coria Cáceres. La cathédrale est de style gothique transitional, avec d'importants ajouts plateresques, d'après les plans de Pedro de Ibarra.